grand-père. C'est Oli. O-L-I. Oui. La Bibli des petits. Je suis pas petit, je suis grand. Bonjour, je suis Sylvain Prudhomme et je vais vous raconter l'histoire des pirates du mercredi. Aujourd'hui, Avril et Banjo ont retourné le canapé du salon. Ils ont rassemblé tous les coussins de la maison, rapproché toutes les chaises pour faire de hauts remparts, tiré par-dessus la grande couette des parents pour faire un toit. Maintenant, ils sont bien au chaud dans leur cabane magique. Imagine, on disait qu'on était dans un bateau de pirates, dit Banjo. Ouais, dit Avril. Un bateau de pirates caché au fond d'une île sauvage. Et on disait qu'on mangeait des bananes pour prendre des forces avant d'aller dévaliser un énorme navire rempli de trésors. Imagine, on disait qu'on était dans le ventre d'une énorme baleine, dit Avril. Chut, dit Banjo. Maintenant je lis. Chut toi-même, dit Avril. Moi, je me repose avant d'attaquer une caravelle. Tu sais ce que c'est, une caravelle ? Dans la cuisine, papa a fini de faire cuire les épinards et le poisson. Les enfants, c'est prêt, on va passer à table. Dans le salon, personne ne répond. Banjo lit. Avril finit sa banane en pensant à la caravelle qu'elle va attaquer. Oh, les enfants, je vous parle, vous m'entendez ? Oui ! Répond Avril d'une voix qui traîne. Je vous ai demandé de venir à table. D'accord, papa, on arrive, dit Banjo. Et il se replonge dans son livre. Cinq minutes passent. Papa a fini de mettre la table. Les enfants, vous vous moquez de moi ? J'ai dit à table. Mais on arrive, on t'a dit, répond Avril. Pourtant, elle ne bouge toujours pas. Banjo non plus. Il en est pile au moment où Dark Blaster va sauter du 52e étage en plein sur Fast Kick. Ouais, on te l'a déjà dit, papa. On arrive. Cette fois, papa craque. Non, mais vous vous fichez de moi ou quoi ? Cette fois, je compte jusqu'à 10. Si à 10, vous n'êtes pas tous les deux assis à table en train de manger... Et il commence à compter. 1, 2, 3. On arrive, dit Avril. Mais elle ne bouge toujours pas. Les coussins sont trop moelleux. 4, 5, 6. Ouh là là, la voix de papa est vraiment furieuse. Papa n'a jamais compté si vite, il est très fâché. On arrive, papa, attends. 7. Mais papa n'attend pas. 8. 9. On arrive. 9 et demi. Et 10. Trop tard. Avril et Banjo se planquent. Les pas de papa approchent. Il marche vite, il marche fort. Non mais c'est pas possible. Vous écoutez rien, rien. Avril et Banjo renversent vite le bureau de maman pour barrer l'entrée du salon. Et sur le bureau renversé, ils jettent vite tous les coussins qu'ils peuvent. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Dit papa en arrivant devant l'énorme barricade. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Et il commence à escalader la barricade. Avril et Banjo se cachent sous le canapé. Ils prient le dieu des pirates que papa ne nous trouve pas. Et puis, ils entendent un gros boum. C'est leur papa qui est tombé. Sa voix est encore plus furieuse. Alors les enfants entendent un autre énorme boum, suivi d'un grand... Le boum, c'est papa qui, dans sa colère, a donné un gigantesque coup de pied dans l'armoire. Et le... C'est l'armoire qui lui est tombée dessus. Papa, ça va ? Mais papa ne répond plus. De l'autre côté du mur, le voisin s'est mis à taper. Il tambourine contre le mur. Non mais ça va pas la tête là-dedans. Vous allez vous calmer, oui ? D'habitude, le voisin tape contre le mur avec le balai. Mais aujourd'hui, il est très fâché. Il a pris un marteau pour taper. Un marteau énorme et lourd, lourd. Et dans le mur, ça fait... Boum, boum, boum, boum. Et puis de l'autre côté du mur, il y a un immense... C'est le plafond qui est tombé sur la tête du voisin. Oh oh. Monsieur voisin, ça va ? Demandent Avril et Banjo par le trou dans le mur. Mais le voisin ne répond pas. Alors Avril et Banjo entendent un bruit de sirène. Pim-pom, pim-pom, pim-pom. La police ! Aux abris, vite ! Avril a juste le temps de jeter sa peau de banane par la fenêtre et elle plonge avec Banjo sous le toit de la cabane. Pim-pom, pim-pom, pim-pom. Ce n'est pas la police, ce sont les pompiers, prévenus par papa qui avait son téléphone dans la poche et qui a réussi à appeler, même coincé sous l'armoire. Le camion arrive à toute allure. Pas de bol. Il passe pile à l'endroit où Avril vient de jeter sa banane. Zlip ! Ses roues glissent sur la peau de banane et bang ! Le camion va se planter dans le portail de l'école, juste en face de la maison. Oh oh ! Au fond de leur cabane, Avril et Banjo se font tout petits. « On est mieux là que dehors, dis donc », murmure Avril à Banjo. Maintenant, c'est un hélicoptère qui arrive. De plus en plus fort, l'hélicoptère descend. Il va se poser dans la cour de l'école pour aider le camion de pompiers. « Donne-moi une feuille, vite !» demande Avril à son frère. Et elle se dépêche de fabriquer un avion supersonique. Et sur les ailes de l'avion en papier, elle écrit en grosses lettres « C'est pas notre faute, on n'a rien fait. » Et hop, d'un lancer tout léger, Avril envoie l'avion en papier par la fenêtre. Le petit avion est pris dans le souffle du gros hélicoptère. Il monte. Le pilote de l'hélicoptère le regarde. Et au lieu de regarder l'avion, le pilote de l'hélicoptère ferait mieux de regarder les platanes de la cour de l'école. Dehors, il y a un énorme... C'est l'hélicoptère qui vient de se prendre les platanes et qui s'écrase dans la cour de l'école. Oh oh ! Avril et Banjo voudraient bien que ça s'arrête. Dans les films, ils ont vu comment à la guerre on disait « stop » avec un drapeau blanc. Alors Avril attrape un oreiller au fond de leur bateau de pirates. Elle attrape le balai qui leur servait de mât. Avec Banjo, elle attache la taie d'oreiller au bout du balai. Elle passe le balai par la fenêtre pour secouer son drapeau blanc. Elle voudrait dire « pause ». Et puis Avril referme vite la fenêtre. « Qu'est-ce qui se passe ?» demande Banjo. « Le drapeau blanc est tombé. »« Dans la rue ?»« Sur le pare-brise d'une voiture de police qui arrivait à toute allure. » Oh oh ! Dehors, il y a un grand... Et puis un gigantesque... Bang ! Un bang de voiture de police qui se prend un réverbère. Un premier... Bang ! Et puis un deuxième... Bang ! Un troisième... Un quatrième... Bang ! Bang ! Bang ! Derrière la voiture de police, il y avait d'autres voitures. Oh oh ! Maintenant, toutes les voitures accidentées klaxonnent. Toutes les voitures qui peuvent encore rouler klaxonnent. « Quel bazar !» dit Avril. « On a bien fait de rester là, dis donc !» dit Banjo. Et Banjo reprend son livre. Et Avril se rallonge bien au chaud parmi les coussins. Dehors, la rue se remplit de monde. Il y a tous les automobilistes accidentés, tous les policiers accidentés, tous les pompiers accidentés, tous les parents de l'école au portail défoncé, tous les habitants du quartier embouteillés. Tous tambourinent à la porte de chez Avril et Banjo, tous... veulent voir les deux pirates qui ont mis KO la rue entière. « On arrive !» dit Avril d'une voix qui traîne, mais elle n'a pas du tout envie de bouger. « C'est pas possible, » dit Banjo, « on peut pas être tranquille 2 minutes aujourd'hui. »« Dring !» fait la sonnette. « Dring !» de plus en plus fort. « T'as pas faim ?» demande Banjo. « Tu veux pas qu'on aille manger ?» Justement. De la cuisine arrive une délicieuse odeur de poisson et d'épinards. « À table, les enfants, » dit papa. « Ça fait 3 fois que je vous appelle. Vous avez du bon poisson bouilli et des bons épinards préparés avec amour. » Alors Avril et Banjo sortent de leur cabane en traînant des pieds. « On arrive !» Et voilà, l'histoire est finie. Et maintenant, au lit, les pirates. Non.